Hey. Yo, yo, yo, yo, yo. Gangster. Élevé au rang de roi de la trappe. Ta nuque, j'perds pas le temps, j'la scale. Hey, hey, j'vends de la frappe, baisse comme un orang-outan quand j't'attrape. Ouh, hey, brr, yo, yo, yo. J'me la pète fort, j'suis peut-être ton daron, t'as peut-être tort. Parce que comme un beat 30, ta tête sort. Hey, hey, j'suis en veille, surplanqué dans l'ombre. Hey, hey, hey, j'ai la tête dure, elle est dans l'ombre. L'argent fait des horribles amis, avec les liens, j'fais des origami. Capuché dans le hall, cadaphilisé comme en Mauritanie. Si t'as un gros boule côté en bourse, siffle mon produit, j'coupe à la source. Le soleil s'essouffle dans sa course, garde un œil sur les griffes de la grande ours. Hey, hey, on est tous brossons, c'est la famille. Gang, gang, j'm'occupe de mon Glock comme un membre de ma famille. Yankees font des allers-retours, ou comme les bacs. On a que des 10 ou on a que des 20 pour ça, pas besoin d'être amateur. Rentre dans ta boîte, comme au zoo, j'ai des bananes et des cacahuètes. T'as gon la droite juste avec un seau et sois content qu'on ne t'a pas hué. Si j'veux, j'les saute, hey. Mais j'ai envie de rien. À part la mort des vôtres, hey. J'ai dit longue vie au mien. Hey. J'peux pas avancer, trop de refusil, trop de recul. Hey. 2018, ça fait une minute 18 que j'les encule. On va te mettre en tête comme Interpol. On va mettre ma stèle sur l'acropole. Plus que veux que j'la mette sur un piédestal. Alors que sa fille, c'est les snaps. On se multiplie, on est dans tous les draps. C'est la démographie des rats. On respecte rien comme l'US Army. Tu dégages du terrain comme Unai Emery. Quand j'suis constipé, j'fume un négro. Rouge à lèvres sur ma E comme sur un mégot. Elle a des ins plus gros que mon ego. Tu veux mes euros? Non, mais j'ai dépouillé dans le métro. Tu m'as vu en vrai sur le Vevo. Partie du check, on a écho. Si t'as une schneck, on a l'écro. Tu veux mes sous, sale fils de tarte. T'es un homme mort, la vie c'est ça. Me lève de ma tâche, pense à mon bif, bif, bif, c'est ça mon kiff. J'rêve des plaines du riff, j'veux faire la diff. Deux pour la mif, j'm'en bats les couilles. J'te mets des plans, j'te mets des douilles, rien à l'épaule. Mauvais élève, j'fais tout le contraire quand tu veux dicter. J'te mets un tao comme si j'coupais l'électricité. Gang, elle accouche d'un dozo même quand c'est une petite giclée. Dozo, j'continue de cogner même.